Exercice 1, page 31. A. La fusée atterrit. B. La fusée atterrit. C. Le vélo est rouillé. D. Le métro est bloqué. E. L'avion est retardé. F. Le bateau a coulé. G. La moto a glissé. H. Le train a déraillé.